pas nous, non. C'est parole céleste. Nous pas ajouter, c'est parole mon Dieu. Autorité pour chasser mauvais esprits, guérir malade. Ça qui va abandonné, ça qui va faire un pile miracle. Non, non, l'io va parler en langue. Jésus baille l'autre pour baille l'évangile la gratis. Même Jean nous te recevoir le gratis. Et l'idio nous yon la pas qu'à disciple. Si nous comptons sous bien matériel, nous yon. Son bon Mathieu, oh Dieu c'est disciple bon Dieu. Ou pas cassé en blafa, oh Dieu c'est disciple bon Dieu. Ou pas caraïbe au chien, oh Dieu c'est disciple bon Dieu. Mais bon Dieu voyez disciple. La main qui voyait le docteur qui aidait. abonnant dans des salles.